African Night Fever. C'est la totale bascule. La Ligue des Enfants Bénis d'Afrique. African Kings. Là c'est facile. Je m'appelle Le Grand Mopar. Et Nico est dans la danse. Faut se rendre à l'évidence. Papa top mène la danse. Y'a qu'à suivre la cadence. Il faut toujours être de patience. African Kings. Allez, pas si barré, barreau. Aussi réputé que les députés ou les présidents. On préside dans le rap sous coup, c'est en réputation. On est couronné à la Ligue des Champions des Nations. African Kings pour toute génération. C'est un dunk comme Jordan, roi de tous les temps. La beauté d'un chaos sur ring si t'es pas content. C'est le duo du grand Mopao et Zipao, top niveau. Spécial pour les stéréos d'Afrique et du Congo. African Kings, yeah, yeah. African Kings. C'est le grand mot par yeah. Plein, plein, plein, plein, toujours plein. Que tout le monde lève les mains. L'esprit a bien débarqué, les papas top. Et pas si enchaîne avec le hip hop. Toujours au top, non-stop, yeah. Ça glisse comme une primus ou une Heineken. Comme le vin, j'ai une palle et je bois à la tienne. On est de coque, bicyclette et toutes les poules s'amènent. Qu'elle crie quand on est sur scène. Célèbre comme le Maffei ou le Tchéboudjène. Doux comme le Pondou, le foot ou une bonne sauce graine. On sème l'amour, la joie, la fête et la peine. Les mettre sur le terrain dans ce grand chelem. African Kings, African Kings, yeah, yeah, yeah. Jusqu'au matin, nos bolomètres du terrain. Le hip-hop est son cousin. Partout ça couvre Nakatiakin. Le lion qui montre les dents, c'est pour faire couler ton sang. À qui te cache qu'il te hait, cache-lui que tu le sais. Motenayo au Congo, on stoppe les guerres tribales. Bondir au Cap Vert et Nangalef au Sénégal. Bédi au Mali, Mbolo au Gabon et on s'installe. A Douala et Mané, ça vous fait aux Antilles Timal. Hola, Kebola, Cuba, Centro, Havana. Hello, South Africa, Nigeria, Bénin, Togo, Rwanda. On est aussi connu que le Paris Dakar. C'est Kofi et Parti, ça se passe dans tous les bars. African Kings, African Kings, yeah, yeah, yeah. C'est foutre le feu, ce rythme fun. Pour les femmes et les cums, les vieux briscales et les jeunes. Ce soir on fout le feu, ce rythme fun. Faut que les caves, les vieux, les jeunes kiffent notre sur la vie de ma African Kings. African Kings, yeah, yeah, yeah. African Kings. African Kings. On vous l'a dit, c'est une bascule totale. Les maîtres sur le terrain, le grand Mopao, l'altesse passée. Hissop, Bissona Bisso. African Night Fever.